c'est qu'on les démonte, c'est qu'on les démonte. Ne parle pas devant les fesses, jamais, foiré. On parle pas, nous on encaisse. Ne parle pas devant les fesses, jamais. J'dois flinguer devant ces putains. Avenue Montaigne, j'passe à la caisse. Oui. Même dans un gros bout, je pense aux putains. Comptez mes quichetas, elle est habituée. Elle est si habituée. Jamais on joue la guitare, c'est pas la SACEM qui va nous solder, qui va nous ralasser. C'est à zéro, blabla. Elle veut le Gucci, Prada. T'es mal à taille du Cavu. Me demande pas si ça va. Nous c'est la causa. Nous c'est la causa. Que des gueules bizarres posées dans le Q7. T'es mal les casiers. T'es mal les canaches. Tout le monde est mouillé comme des Yakuza. Comme un shooter, j'suis prêt. Si ils diront que c'est la chance, on connaît déjà la chanson. Y'a même pas besoin de se presser. Comme un shooter, j'suis prêt. Si ils diront que c'est la chance, on connaît déjà la chanson. La banlieue te passe le salam. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Paraît que ça danse quand j'suis pas là. Paraît que dehors ça coupe, ça dégage. On dit que c'est la dalle qui donne l'heure. Des diamants sur ma rollie, pourquoi tu me souhaites le malheur? La bitch, c'est qu'on flingue en Gucci. J'suis toujours en pétard, ramène ma quicheta, j't'envoie le décon, j't'envoie la facture. Ils ont l'avocat, mais font les mesquines quand on les démonte, quand on les bousille. J'ai prévenu l'avocat, j'étais la bonbonne, rangé le toka. Bon, bon, bon, bon. J'ai payé en choca devant le paquet, j'sais qu'elle est chouette. Je sais qu'on a la mentale, perdu des poteaux pendant la guerre. Enfoiré, ça joue les gros bras, mais y'aura personne quand faut le faire. Elle consomme grave de la coca, c'est dans les WC qu'elle fait sa soirée. Ils ont cru qu'on allait couler, oh les gros bâtards, ils se sont foirés. Mamma mia, j'ai promis à mama de toucher le ciel. Sale. Nouveau polo Balenciaga, j'ai baisé le peur, je repars en Zia. Comportement, comportement, tu parles de bicrave mais tu vends sur un terrain vague. Y'a pas de sentiment, pas de tiamant, que des elotica comme au Béama. Y'a même pas besoin de se presser, comme un shooter j'suis prêt. Si ils diront que c'est la chance, on connaît déjà la chanson. Y'a même pas besoin de se presser, comme un shooter j'suis prêt. Si ils diront que c'est la chance, on connaît déjà la chanson. La banlieue te passe le salam. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Paraît que ça danse quand j'suis pas là. Paraît que dehors ça coupe, ça dégage. On dit que c'est la dalle qui donne l'heure. Des diamants sur ma rollie, pourquoi tu me souhaites le malheur? La bitch, c'est qu'on flingue en Gucci. J'suis toujours en pétard, ramène ma quicheta, j't'envoie le décon, j't'envoie la facture. Ils ont l'avocat, mais font les mesquines quand on les démonte, quand on les bousille. J'ai prévenu l'avocat, j'étais la bonbonne, rangé le toka. Bon, bon, bon, bon. J'ai payé en choca